Oh, j'adore ce disque. Tu me le prêtes? Oui, si tu me le rends vite. Je l'écoute tout le temps. Mon frère a un graveur. Il me le copie ce soir et je te le rends demain. Vous avez un graveur? Super! Tu peux m'en faire une copie pour la voiture? Il te faut des disques vierges? Non, mon frère en a beaucoup. Je lui en achète toujours d'avance.